poisson vide, comme le bide d'un mesquin. Putain, même l'argent mesquin, je me casse le dos. Trésor public me casse les couilles. J'suis comme tous ces badauds qui arpentent le trône. J'suis obligé, refré, j'aime pas chromer que gris. Le temps passe, me laisse avec mes regrets. Mais sur la vie t'as remet, j'trouve un sac de poudre, j'la coupe, j'la fourque, c'est tout. Juge-moi gros bâtard, c'est faire ça. Ma banque a écrit mon place dans sa liste noire. Qui dit que j'veux pas me retrouver dans une de ces sales histoires. Et puis j'm'en tape les couilles par terre. C'est plus un secret pour personne, non, sans ralice. Fais une croix sur la life et c'est délice. Attends, le matériel, je m'en tamponne. Si tu vois pas tout ce que je veux dire, c'est que tu m'entends pas. On te laisse que des balles chez Marianne. Alors comprends pourquoi les gens disent plus caché chez Marijuana. C'est plus un secret pour personne, non, sans ralice. Fais une croix sur la life et c'est délice. On te laisse que des balles chez Marianne. Alors comprends pourquoi les gens disent plus caché chez Marijuana. C'est plus un secret pour personne, non, sans ralice. Fais une croix sur la life et c'est délice. On te laisse que des bachis chez Marianne. Alors comprends pourquoi les gens disent plus qu'à chiche et marijuana. Bachis chez Marianne, à chiche et marijuana. Quartier rouge numéro 1. Écoute ça. Ici c'est chimique, nocif, toxique, radioactif. C'est personne, alias pension, un fumeur en série. J'ai la dalle et la gold d'un dollar, puis un dollar ou un euro. Un flou bâtard, mon pote, moi. J'suis pas Batman, encore moins euro. Val défoncé, 9477. Cramé neurone dans ma zone. Y'a trop de mots dans ma tête, j'en ai des mots de tête. Aucune émotion quand j'écris. Une portion de shit, la tisse, va ma potion. Y'a rien de carré parce que ce que j'dis tourne en rond comme un putain de CD en mode réplique. Encore une fois, j'le répète. J'peux pas mon départ, c'est même pas du rap vu que j'parle. J'écris trop peu pour être rappeur, aucun rapport avec eux. Haché chez Marie-Jeanne, chez Marie-Jeanne. Qui font les kiffes, Marianne et Jeanne d'Arc là-bas, comme le cloué. Peux pas les bâtiches, dans le S, la baisse, tendronnage musical 07 pour 08, et ça me mixtape. Ouais, ouais, ouais. C'est plus un secret pour personne, non, sans ralice. Fais une croix sur la life et c'est délice. On te laisse que des bâtiches chez Marianne. Alors comprends pourquoi les gens disent plus qu'à chiche et marijuana. C'est plus un secret pour personne, non, sans ralice. Fais une croix sur la life et c'est délice. On te laisse que des bacs chiche et Marianne. Alors comprends pourquoi les gens disent plus qu'à chiche et marijuana. À chiche et marijuana. Le 2SAN, street tape. Quartier rouge mon pote. C'est pris.